بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter. Comment faire s'il y a plusieurs أعمال؟ أعمال الخير قد تكون في وقت معين كثيرة. Tu peux avoir un temps précis et beaucoup d'amal à faire. Et tu ne peux pas tout faire. Donc, il faut choisir un amal. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salat wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي العباس رحمه الله قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت أي عبد الله بن عمرو قلت إني أفعل ذلك فقال صلى الله عليه وسلم فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لعبد الله بن عمرو ويبين لأمته أن الأعمال قد تكون في وقت أفضل من عمل آخر وقد يكون ترك هذا العمل لشيء أهم أفضل في هذا الحال وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا. هذه المسألة تقديم عمل ما على آخر أو تأخير عمل ما على آخر من أهم ما يكون للمسلم ولطالب العلم خاصة أي savoir المعاملة الصحيحة أي comment faire s'il y a plusieurs أعمال. أعمال الخير قد تكون في وقت معين كثيرة. Tu peux avoir un temps précis et beaucoup d'amal à faire. Et tu ne peux pas tout faire. Donc, il faut choisir un amal. Et il faut qaddam un amal. Et tout ça, c'est fondé sur al-ilm bi maratib al-a'mal. Il y a des a'mal qui sont plus importants. Il y a des a'mal, comme ça y est, ils sont consacrés, ils sont réservés à un waqt précis. Enfin, faire passer un amal avant, ce n'est pas min al-hikmah. Il y a des a'mal. تختلف في الحكم هذا الواجب هذا المستحب الواجب يباس أفو سيسا الأصل وهكذا وبليغ كلام الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله فهو نفيس في هذه المسألة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين قال فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله عز وجل وذلك الوقت والحال. هذا الكلام اللي مهم. فالأفضل في كل وقت وحال. Dans tous les cas, المسلم il doit faire passer مرضات الله عز وجل avant tout. هذا أولا. قال ابن القيم وذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. أي الأفضل في كل وقت c'est de faire passer le عمل qui est مشروع في هذا الوقت par un temps précis مثلا. وفي هذا الوقت il y a des أعمال مشروعة. On prend l'exemple des 10 derniers jours de Ramadan العشر الأواخر من رمضان. هناك il y a des أعمال مشروعة مستحبة كالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا الاعتكاف. ففي هذا الحال dans ces 10 derniers jours الأفضل c'est l'i'tikaf. C'est أفضل من غيره. ولو s'il n'est pas obligatoire. ولو il y a des choses ربما des مستحبات أخرى. لكن في هذا الوقت ces 10 derniers jours, 10 dernières nuits de Ramadan المشروع والمستحب c'est l'i'tikaf. فمن الحكمة c'est que celui qui veut faire du khayr في هذا الوقت s'il veut faire le meilleur عمل c'est l'i'tikaf. C'est ça le معنى كلام ابن القيم. إيفا سيتي دي زيكزومب رحمه الله. قال وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. هؤلاء هم أهل التعبد المطلق. هؤلاء سي أفضل الناس. Ceux qui font passer أو qui mettent chaque عمل à sa place. Il faut passer al-afdal ala al-fadil. Il faut passer al-wajib ala al-mustahab. Il faut passer le amal qui est un waqt précis sur un autre amal. Sur un autre amal qui n'est pas mashrou' fi hada al-waqt. Ou l'autre amal il est afdal fi hada al-waqt. On a donné l'exemple de l'i'tikaf et on citera des autres exemples. فهؤلاء قال الإمام للقيم سأهل التعبد المطلق سأفضل الناس ثم إلى cité des autres catégories de personnes. Ils ont du khayr, لكن ils sont pas comme ce premier groupe qu'il a cité. Ils mettent chaque chose à sa place. قال والأصناف قبلهم هم أهل التعبد المقيد. Il a cité des catégories qu'on va citer الآن. Et هؤلاء c'est pas أهل التعبد المطلق. لا. Ils ont un ta'abboud, il est muqayyid. Ou rubbama, ils ont du taqsir dans certaines choses. Qal ibn al-Qayyim, rahimahullah. Al-simf al-awwal, indahum anfa'u al-ibadat wa afdaluha, ashaqquha ala al-nufus wa as'abuha. Ba'd al-nas, ils pensent hada. Anna, la meilleure des œuvres, c'est celle où que tu souffres le plus. Hada, c'est pas ala l'itlaq. C'est pour ça que l'imam al-Qayyim, il a cité ces catégories. Il va citer la catégorie qu'on a lue en premier, Ahl al-Ta'abbud al-Mutlaq. Ba'd al-Nas, il pense à ça. Plus tu souffres, et mieux c'est. Là, ça va à l'itlaq. Il y a des cas où l'ajr il est a'zam عند المشقة, mais il y a des cas là. Il y a des cas où tu feras passer un autre amal. مثلاً سيأتي معنا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد. فمثلا الجهاد والمشقة قد يكون واحد كما جاء في الحديث il a des parents. Il a des parents, il doit s'occuper d'eux et il y a le jihad. الآن il y a deux عمل. Les deux, c'est des عمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحد il est venu lui poser la question. Ah oui, il est venu lui demander de faire le jihad avec lui. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que tes parents ils sont vivants? Al-Rajul lui a dit, na'am, il lui a dit, fafihima fajahid. Aïe, tu viens pas avec nous au jihad, occupe-toi de tes parents. L'anahad al-Rajul, ses parents, ils avaient besoin de lui. Alors que, al-jihad, il y a une mashaqqa a'zam. Si on prend le principe du premier groupe qu'il a cité, al-Imam al-Qayyim, il délaisse ses parents, il va faire le jihad. Al-jihad, c'est plus difficile. Là, et à al-hal, tu dois faire passer al-aham. Mais en fait, le jihad, cette personne qui sort pour le jihad ou qui ne sort pas, ça ne changera pas grand-chose pour les autres. Ils peuvent se passer de lui. Ils ne sont pas un homme prêt. Obama, un deuxième, il vient, il le remplace. Amma, les parents de cette personne, ils n'ont que lui. Ba'd Allah Azza wa Jalla. Fa fi hadha al-hal, il s'occupe de ses parents et il est fi jihad. Comme a dit Nabi sallam, fa fihima fajahid. Et pour lui, pour cette personne, l'an, s'occuper de ses parents, c'est mieux que le jihad fi sabilillah. لأنه إلى une responsabilité. هذا مفهوم. قال الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا. Deuxième groupe, ils ont pensé que la meilleure des œuvres c'est de délaisser la dunya. C'est pas à l'itlaq. Une personne il peut délaisser la dunya et ça lui fait du mal. Il peut ne pas patienter sur certaines choses. Tu peux trouver cette même personne, s'il a de l'argent, il fait du khayr. Il a de l'argent, il fait des sadaqas, il fait le hajj, il aide ses frères. Et idnillah, pour lui, ça sera meilleur dans ce cas-là. Allez, هذا القول الثاني فيه نظر. أن أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا مطلقا سبع على الإطلاق هذا لا. قال الصنف الثالث الرأو أي ce troisième groupe qui va citer il pense هؤلاء أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعدي وهذا dans certains cas نعم et dans certains cas لا أي il y a un نفع pour les autres متعدي مثلا il sort pour faire da'wah. Alors on peut reprendre l'exemple du jihad. À da'wah, s'il sort, al-naf il est muta'addi s'il est à l'ilm. Beaucoup de personnes ils vont profiter de lui. Al-an, il a ses parents qui sont malades. Est-ce qu'on va dire là, il sort quand même da'wah, il y en a beaucoup de personnes ils vont profiter de lui? Là. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, fafihima fajahid. Et à dal-hal, il délaisse cette da'wah et il s'occupe de ses parents. Tout ce qu'on vient de citer, c'est s'il ne peut pas faire les deux. Amma, s'il s'occupe de ses parents et en même temps, il trouve du temps pour faire da'wah, fa, il fait les deux. Lakin, nahnu al-kalam, c'est s'il doit choisir un. Il choisit al-amfa. Et il choisit celui, dans ce temps précis, il est obligatoire pour lui. Ou, il est mustahab pour lui ou il est ahsan pour lui. Al-Khulas al-An, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a montré un al-Afdal de tous ces aqwal, les trois qu'on vient de citer, c'est le quatrième, celui qu'on a cité nous en premier. On le répète, qala fal afdal fi kulli waqti wa hal ithar mardatillah wa dhalika al-waqt wa al-hal wa al-ishtighal bi wajib dhalika al-waqt. Ça dépend de la situation de la personne. Mathalan fi hal shakhs al-afdal ça peut être le jihad. Fi hal akhar al-afdal ça peut être s'occuper de ses parents. Lianna chacun il a des responsabilités, chacun il a un besoin, chacun il a des obligations. Kullu wahid il fait passer al-aham fal aham. وابن القيم رحمه الله إلى كلام نافع في كتاب آخر وهو كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب. C'est un كتاب نافع جدا. Un كتاب في الأذكار. Et il a cité cette règle et des exemples. فنقرأ. قال رحمه الله. Il va citer l'exemple avant de lire قراءة القرآن والذكر. On va voir que le Coran c'est afdal min al-dhikr. Le Coran c'est kalamullah. Lakin il va te montrer que dans des cas là, tu fais passer le dhikr avant. Qala rahimahullah, qira'at al-Quran afdal min al-dhikr. Wa al-dhikr afdal min al-du'a. Suis le tartib l'an. Al-afdal c'est le Coran. Thumma al-dhikr, thumma al-du'a. Ça c'est l'asl. لكن ستقدر يتغير. قال رحمه الله هذا من حيث النظر لكل منهما مجرد. Et c'est ça qu'il faut comprendre هنا. أن ça dépend de la situation de la personne. فلهذا قال هذا من حيث النظر لكل منهما مجرد. Et si on parle de sans parler d'une personne, c'est quoi les meilleurs أعمال? On va dire le Coran, la lecture du Coran. ثم الذكر ثم الدعاء. Sans parler de personne. Lakin, maintenant, on prend deux personnes. Rubbama, pour cette personne, lire le Coran, dans ce moment, c'est afdal. Rubbama, pour un autre, al-dhikr wa al-du'a, c'est afdal. Al-an, il va détailler al-imam ibn al-Qayyim. Qala wa qad ya'ridhu lil-mafdhul ma yaj'aluhu awla min al-fadil. Il peut avoir une raison, une cause. An al-mafdhul, maintenant, هنا, al-dhikr. C'est mieux que lire le Coran dans une situation précise. قال رحمه الله فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. هذا الحال la personne y entabe. هذا الحال il n'a pas le droit de délaisser cette ibada qui est mieux dans ce temps que l'autre, même si l'autre fait l'asla les meilleurs. قال وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود. Ça c'est un مثال طيب. التسبيح في الركوع والسجود. On a dit الأفضل. Si on te pose la question, c'est quoi le mieux entre lire le Coran et faire du tasbih, al-asl lire le Coran c'est meilleur. Lakin dans cette situation, fi ar-ruku' wa as-sujud la. Qala Ibn al-Qayyim fa innahu afdal min qira'at al-Quran feehima. Fi hadha al-hal. Li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam naha 'an qira'at al-Quran fi ar-ruku' wa as-sujud. Fa fi hadha al-hal, tu dois avoir des règles, des bases enta. Anna al-afdal fi ar-ruku' wa as-sujud. Dans ce waqt, c'est ce qui nous a montré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le tasbih ou le dhikr. Qala rahimahullah, bal al-qira'atu fihima manhiyun anha, nahi tahrim ou karaha. Hada, on a cité que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a naha an. Il a un qal, wa hakadha al-athkar al-muqayyada bimahal makhsus afdal min al-qira'a al-mutlaqa. Deuxième exemple. Il y a des adhkar, ils ont un temps précis. Mathalan, tu rentres chez toi, ou tu sors de chez toi, tu rentres au masjid, tu sors du masjid. Al-adhkar ba'd al-salawat. Après salat, il y a des adhkar. Ils ont des adhkar makhsousa dans un temps makhsous. C'est mieux de faire le dhikr que de lire al-Qur'an. Mathalan, ba'd al-dhuhr, on va faire salat al-dhuhr. Après salat al-dhuhr, si une personne te demande c'est quoi l'afdal, je fais le dhikr ou je lis le Coran, l'afdal c'est de faire le dhikr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, même si à la base le Coran c'est afdal, lakin fi hadha al-waqt le dhikr il est afdal. C'est une qaida muhimma nafi'a, elle va t'aider toute ta vie bi'idhnillah, elle va t'aider fi talab al-ilm, elle va t'aider avec ta famille, elle va t'aider avec tes amis, elle va t'aider ma jami'a an-nas. Personne, tu lui donneras son haq. Et chaque ibada, elle sera à sa place. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, il a appelé haoula ahl al-ta'abbud al-mutlaq. Ta'iman, ils sont des ibadas. Chaque chose, elle a sa place. Et le mouchkila, خاصة في هذا الزمان كثرت الفوضى لأن بعض الناس يمتخص با هذا فربما يفعل passer une chose avant une autre alors que l'autre elle est plus importante ربما يفعل passer une chose avant une autre alors que l'autre في هذا الوقت elle est أنفع. قال ابن القيم رحمه الله وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفسه وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة. Ça c'est مهم. Ibn al-Qayyim il te dit هذا c'est un باب نافع جدا لكن t'as besoin d'une chose, t'as besoin de علم. Comment savoir que cette chose elle passe avant celle-là? Tu dois avoir du علم. Comment savoir que cette chose elle est meilleure que cette chose dans ce point-là, dans cette situation? Tu dois avoir du علم. C'est pour ça que ça montre l'importance de talab al-ilm. C'est pour ça que tu trouves talab al-ilm. Min bab awla al-alim, c'est anfa' an-nas lil umma. Et à chaque chose, il la met à sa place. Bah, l'awam, maintenant, ils font des efforts d'itan dans certaines choses, mais cette chose, elle n'est pas à sa place. Et ils délaissent une chose plus importante. Bah, al-juhal, ils prétendent faire da'wa, ils délaissent sa famille. Fita'b, mushaqqa. Ils ont personne pour s'occuper d'eux, ils ont personne. Et lui, il prétend faire da'wa alors que c'est un jahal. Il ne connaît pas ce genre de règles qu'Ibn al-Qayyim nous cite. Il mettrait chaque chose à sa place, il appliquerait qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kafa bil mar'i ithman, an yudhi' man ya'oul, wa fi riwaya man yaqout. Kafa hu ithman, c'est du ithm. Il a une responsabilité, femme, enfant, il les délaisse, il leur fait du mal pour faire du bien à un autre. Alors que sa responsabilité, c'est ha'oula, c'est sa famille, awwalan. أنذر عشيرتك الأقربين قال عز وجل. Je commence par tes proches. قال ابن القيم رحمه الله فيعطي كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه. Chaque personne il a son حق et chaque chose elle a sa place. الوقت du علم c'est العلم. الوقت de الدعوة c'est الدعوة. الوقت de s'occuper de ses enfants c'est ses enfants. Chaque chose a sa place. أما il veut faire du bien et il fait du mal من جانب هذا il manque de حكمة في الحقيقة. قال ابن القيم رحمه الله فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها. طب أفغير السباب أستو بيرسون كي على علم ولو تزاحمت المصالح أو الأعمال لوي لا دو علم إي سي كوا فيغ باسي. تلوفو هذا عند أهل العلم إيزون دي أشغال كثيرة. Et ils ont des responsabilités que nous on n'a pas. Lakin il arrive à s'en sortir. Tu lis la biographie de certains imams ou de salaf, bel du prophète alayhi salam, t'ajab les responsabilités qu'ils avaient, les a'mal qu'ils ont fait, et il avait 24 heures comme toi. La journée c'était la même que la tienne. Et il dormait, il mangeait, il avait une femme, il avait des enfants. Lakin al-muwaffaq man waffaqahu Allah. Et ils avaient de la baraka fi al-waqt. Limadha? Lianna c'était fondé sur ce genre de règles. C'était fondé sur l'ilm. Chaque chose à sa place. قال ابن القيم رحمه الله لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها. La personne y entabille هذا. Il perd du temps dans une chose. Cette chose elle est bien. Fait l'asl. Lakin il y a une chose plus importante. قال فيربح إبليس الفضل الذي بينهما. إبليس عدو الله. Il va essayer de te faire perdre le bienfait de cette ibadah qui est plus importante. Voilà. Et il va te chagrer avec une ibadah. Tant tu penses que tu es à la khayr, en haqiqa tu es muqassir. Normalement, tu devrais faire autre chose. Iblis, adou Allah, il veut t'égarer min hadha al-bab. Qala, aw yanzur ila fadiliha, fayashtaghil bihi an mafdhuliha, wa in kana dhalika waqtuh. فتفوته مصلحته بالكلية. نعم يا وقت مثلا pour العلم. بعض الناس يطلبون العلم. Ils ont des دروس, ils ont du حفظ, ils ont une autre chose elle vient. Iblis عدو الله il fait tout pour qu'il délaisse ce علم et il l'emmène vers autre chose. Même si cette chose c'est une عبادة لكن العلم c'est أهم. مثلا t'as un درس, un frère il a besoin d'aide. T'as deux عبادة الآن. إما tu fais ton درس, c'est من أعظم العبادات طلب العلم. إما تد سفخير, il y a un فضل عظيم. الآن أنت si tu délaisses العلم et تد سفخير الحقيقة t'as laissé un خير عظيم. Si tu طلب العلم tu délaisses سفخير t'as délaissé un خير كذلك. في هذا الحال t'emploie ce genre de règle qui cite ابن القيم. Le درس c'est un temps précis dans la journée. Ce وقت, c'est pour le ilm. Tu ne dois pas faire passer une chose avant. Sauf si elle est plus importante. Al-an, anta, ce frère, tu peux l'aider la journée. Or, de ce وقت. Tu n'es pas obligé de l'aider dans ce وقت. tu peux lui dire, dès que je finis mon dars, je viens t'aider. Via Dalhal, tu as rassemblé les deux. Tu as tlob l'ilm, tu as fait ton dars, et tu as aidé le frère. Et tu as l'ajr les deux. Alors, il ne sait plus comment faire. Il va aider le frère, et il délaisse son dars. Alors, tu as fait du khair, mais tu as délaissé un khair azim. Tu dois connaître ta aqida. Tu dois savoir comment adorer Allah Azza wa Jal. Kif t'a délaissé Hada et t'a fait passer une chose moins importante. Avec Hada al-Hal, la personne il doit s'organiser. Il là, c'est une chose d'aroura. Maintenant, le frère, tu passes, sa maison elle va s'écrouler. Ou sa maison elle brûle. Il te demande de l'aide. Avec Hada al-Hal, tu délaisses le dars. L'an al-Hajj al-An, elle est azim. Probablement, le frère il se fait du mal. Il fait du mal à sa famille, il fait du mal à ses biens. Avec Hada al-Hal, tu l'aides. Amma ba'd an-nas, probablement, il faut changer des ampoules. Et achi, tu peux changer une ampoule après le dars. Il reste sans lumière une heure, mais il n'y a aucun darab. Il n'y a aucun darab. Pardonnez, c'est des choses basiques. Un coup de peinture, changer une porte. Et achi, ça. Aide-le avant et après le dars, c'est un tahal amr. Ou un autre ilad qui passe le dars à 7 heures. Amma, la personne, il ouvre les portes. Et il ne s'organise pas. Et il veut faire du bien partout, il aura un taqsir. Pardonnez, maintenant, tu lui dis, achi, tu n'es pas venu au dars. Il te dit, ouais, mais j'ai aidé le frère, c'est du khair. Le dars, ce n'est pas du khair. Le dars, il est azam bi hadha al-hal. On a donné cet exemple et on le vit. قال رحمه الله وإن كان ذلك وقت فتفوته مصلحته الكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. Il a délaissé ce amal qui avait un وقت précis pour un autre amal en pensant qu'il allait avoir plus de ajr. حقيقة, c'est le contraire. حقيقة, il a délaissé ce qui était le plus important. فانتبه أخي. Tu veux faire du khayr est un taqsir fi janif. C'est un taqsir fi ahlik, ou fi awladik, ou fi nafsik. La personne yantabih. Chaque chose a sa place. قال ابن القيم وهذا يحتاج الى معرفة مراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها وفقه بإعطاء كل عمل منها حقه. قد يقول قائل comment je fais الآن. Je sais pas أنا. أطلب العلم. لماذا نحن في toujours passer طلب العلم avant. لأن ce طلب العلم c'est ce qui va te gérer toute ta vie. Ta femme, tes enfants, les a'mal que tu veux faire, حتى في الدنيا, tu auras besoin de طلب العلم. لأن tu vas marcher avec des règles. Tu vas savoir est-ce que je fais passer ça avant ام لا. C'est pour ça que طلب العلم c'est l'as. C'est pour ça que نحن toujours on doit avoir lien avec العلم. Et sans négliger les autres عبادات. قال وفق بإعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه. ابن القيم الآن يتمنطخ أن ربما تفعل passer ce عمل avant لأن إلى وقت précis. On a donné l'exemple du dars de 11h à midi. Ça tu peux pas le rattraper. Si tu viens pas, le dars il est passé. Amma maintenant l'exemple qu'on a aidé, aider Fulano, tu peux aller au dars et après aller l'aider. Amma si tu l'aides maintenant, tu l'aides jusqu'à midi, jusqu'au dors. Thomas, tu viens, les frères, le dors. Nous, on va te dire, le dors, c'est akhi, il est fini. Et demain, c'est un nouveau dors. قال وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه. لا يمكن, c'est fini. C'est passé. Il y en a sept choses à la fin, un وقت précis. Si tu ne fais pas attention, le temps, il est passé, c'est fini. Amma, il y a des a'mal, le وقت, il est واسع. Il y a des a'mal, tu as le temps. Tu peux le faire avant dhuhr, tu peux le faire après, tu peux le faire le soir, tu peux le faire le matin. Ah mais il y a des choses là. Il y a des choses sans work précis. Khas satan, il y a des choses, tu n'es pas tout seul. Maintenant, l'exemple qu'on a donné du dar, le dar, c'est un mudarris. Mudarris, il ne peut pas te suivre. Là. Il ne peut pas suivre chacun dans ce qu'il veut. Aujourd'hui, on fait dars à 9h parce que Foulan, il a un truc à faire. Demain, on fait dars à 10h, il y en a un autre, il a une chose à faire. On ne peut pas. Enfin, dars, il reste à sa place et c'est les tollab qui s'adaptent. S'il y a une chose à faire et à ham, tu l'as fait. Ou tu as tu préviens, tu dis à Foulan, maintenant, j'ai une chose plus importante, c'est Kada. Allah y'aïnak. Amma, si c'est une chose qui peut attendre, là, tu dois faire ton dars. Sinon, tu vas dayer ton talab al-ilm. Chaque jour, tu auras une chose. Khas, satan, viyadidda. Chaque jour, tu auras quelque chose. Si tu ne t'organises pas, ça t'adhiya. Quand on précise une chose, on a. Quand on dit qu'il n'y a pas d'ilm. Je ne sais pas quoi faire passer avant. Tu reviens à Ahl al-ilm ou al-ma'rifa. Fiyad al-had. Fas'alou Ahl al-dikr in kuntum la ta'lamu. Tu peux un temps ne pas savoir. Demande. Tu as des mudarris. Tu as des mashayikh. Tu as des frères. Demande. Ya akhi ma ra'yuk. Demain, je dois faire kada kada. Qu'est-ce que tu me conseilles? Cette personne, il t'aide. Il y en a, c'est pas tout le monde qui a l'ilm pour savoir c'est quoi qui passe avant une autre. Ça, c'est pas tout le monde. Avec Adel Had, tu as ta'in billah azza wa jal, thumma, bi ahl al-ilm, وأهل المعرفة والخبرة. بعدنا نوتخ إكزومبل، تأمل. قال فالاشتغال به أولى. أي تا دو شوز، إن شوز كان طون بريسي، إن شوز سي أون عبادة كذلك لكن ال بو أتوندر. تأمل ليكزومبل كي فادوني. قال كترك القراءة لرد السلام. تا دو عبادة. Tu lis le Coran, un frère il te passe le salam. T'as deux ibadah. La lecture, c'est une ibadah. Répondre au salam, c'est une ibadah. Fa fi hal, il y a une ibadah qui peut attendre. La lecture du Coran. Tu peux t'arrêter. Maintenant, nous, on est fait dans le salam. Wahad, il passe, il nous dit assalamu alaikum. On s'arrête, on dit wa alaikum salam. Et on reprend le dars. On a joué à les deux. Aoukraaf Coran, l'exemple qu'il a donné, Ibn Qayyim. Ta'amal wahad, maintenant, il ne connaît pas ce genre de règle. Il dit là, ana je lis le Coran, je ne peux pas te répondre. C'est pas mal le fiqh hada. Tu peux t'arrêter, c'est pas haram de s'arrêter quand tu lis. Tu lui réponds, alaykoum salam. Si, même s'il te parle, kayf halouk, tu lui dis jazakallahu khair, ça va bien, alhamdulillah. Pourquoi tu continues le Qur'an, machin. T'as donné le haq à ton frère. Et c'est une ibada. Léana répondre au salam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a démontré cette ibada. Et après ça, tu reprends le Qur'an. Il a un yasha'Allah. Mais balouk, tu réponds pas, tu vexes le frère. T'appliques pas sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si un frère il te passe salam, tu dois lui répondre. Et tu te fais du mal. Alors que la personne il a voulu se faire du bien. C'est le même exemple. Il éternue, il dit alhamdulillah. Tu lui réponds, ya rahmakullah. Ma fiché. Qu'est-ce que c'est mieux que de répondre salam. Lakin fi hadha al-hal, هذا الحل شو غيبون السلام ثم تلي القرآن قال لا يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس هذا الحال نعم سي Tu réponds pas au salam, le frère il part. C'est fini, cette ibadah elle est finie. Contrairement au Coran, la lecture du Coran ça reste. Tu peux répondre au frère et lire le Coran. قال وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت والله تعالى الموفق. Ça c'est une règle. On l'a vu, nous في القواعد الفقهية إذا تزاحمت المصالح. On l'a vu, une règle. On l'a vu, c'est ça. Lakin nous aujourd'hui on précise si un وقت مخصوص tu fais passer cette ibadah qui est dans ce وقت. هذا الكلام من كتاب الوابل الصيب باج 139 أو 138 من هذه الطبعة طبعة ابن الجوزي ce كلام ابن القيم رحمه الله il est fondé sur des hadiths qu'on va citer منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد Il pose la question au prophète sallam. Est-ce que je fais le jihad avec vous? Qala sallallahu alayhi wa sallam laka abawan. Est-ce que tes parents ils sont vivants? Qala na'am. Qala fa fihima fa jahid. Ta'ammal deux ibadah. Bir al-walidain wal jihad. Al-an la règle qui nous a donné Ibn al-Qayyim on va l'appliquer. Al-an cette personne imma ses parents ils ont besoin de lui. Robama ils sont vieux. Il n'y a que lui, ils n'ont pas d'enfants autres que lui. Il a une mas'ouliya, il doit s'occuper de ses parents. Amma le jihad, les autres sahaba, ils vont le faire. S'il ne vient pas au jihad, le jihad, il ne va pas s'arrêter. Là, ils vont continuer. Ils ne sont pas, comme on l'a dit, à une personne près. Robama, un autre, il le remplace. Alors, Robama, ils font sans lui. Amma ses parents, ils n'ont que lui. Ba'dallah Azza wa Jal, ils ont lui. هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم لو هذه ففيهما فجاهد الآن ستو بيرسون سوكوبي دو سي بارون سي ميو كو فير لو جيهاد لماذا لأن تزاحمت مصالح أو دي عبادات plusieurs عبادات et il a qu'un temps il doit choisir il prend الأنفع et il prend sa مسؤولية il respecte sa مسؤولية il s'occupe de ses parents ما بالك الآن il délaisse ses parents il va faire le jihad il fait le jihad il revient ses parents ils sont morts ou ils sont malades Oh, ils n'ont pas mangé. Ce dîn, il est fondé sur le masalih. Et il est fondé sur al-hikma wa al-yus. Amma faire du mal à ses parents, à ses proches, pour faire un bien, alors qu'on peut se passer de toi dans ce bien, là. Al-hadith, il est sahih. Deuxième exemple. Il a annoncé des hadiths Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour montrer à la parole d'Ibn al-Qayyim, elle est fondée sur ça. Qissa Jabir, radiyallahu anhu. Qala lahu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tazawwajda. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pose la question à Jabir, est-ce que tu t'es marié? Tazawwajta. Qala Jabir, na'am. Jabir, il lui répond, na'am. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui redemande, bikran am thayyiban. Est-ce que cette femme que tu t'es marié avec elle, elle est vierge? Ou elle s'était déjà mariée auparavant? قال جابر بل ثيبا سين فام كي سيتي جامري قال النبي صلى الله عليه وسلم افلا جاريه تلاعبها وتلاعبك لكن جابر رضي الله عنه صحابي il est à la ilm et il va montrer au prophète sallam pourquoi il a choisi et le nabi sallam il va pas encore aller ابدا بل il va approuver قال جابر الان il va expliquer son choix الان il avait deux choix il se marie avec une femme vierge ou une femme qui est pas vierge les deux c'est du khair le mariage avec une muslima c'est du khair لكن الان en apparence ou fil asl il y a un choix qui est meilleur que l'autre pour l'homme c'est de se marier avec une vierge c'est ça l'asl لكن جابر رضي الله عنه il a choisi l'autre لأن il y a une maslaha azima قال جابر رضي الله عنه إن لي أخوات son père il est mort في الجهاد إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتقوم عليهن إلى آخر جابر il a fait passer la maslaha de ses sœurs avant la sienne il y en a son père il est mort c'est lui qui s'occupait de ses sœurs sa mère elle est plus là il reste plus que Jabr Jabr il a vu loin à la maslaha il a pensé que je veux me marier avec une femme qui s'est déjà mariée aïe elle a de l'expérience probablement elle est plus âgée fa elle va être bi manzilat al umm ma balouk Jabr il aurait choisi une jeune une vierge jeune probablement les sœurs de Jabr ils s'entendent pas avec elle ils ont le même âge probablement ils vont s'engueuler pour des choses amma Jabr al-an il a choisi une femme plus âgée qui s'est déjà mariée elle va réussir à éduquer ses filles bi'idnillah azza wa jalla il a fait passer cette maslaha avant l'autre limadha li'anna il est ala ilm et il voit loin il pense pas qu'à lui ça nous montre ce hadith nastafid anna ahyanan t'as plusieurs ibadat ou plusieurs masalih antabih l'hawa antabih l'hawa la personne il fait passer cette ibadat li'anna ça l'arrange lui et il pense pas aux autres là La personne, il يتأمل et choisit الأنفع والأصلح في ذلك الوقت. Et fais attention à l'hawa. لأن الشيطان يتغرب من هذا الباب. Et tu fais des dégâts à cause. لأن t'as choisi cette chose, c'était pas parce que c'était الأنفع والأصلح. Là, لأن ça correspondait avec ta hawa. Enfin, la personne, il ينتبه. Troisième exemple. قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول On a dit Firiwaya Man Yakut. Cet exemple, on peut citer plusieurs choses. Plusieurs masa'il tahtahada. Mathalan, un frère, ce qu'on vit en ce moment avec Haoula Al-Khubat Al-Huthiyi, Al-Rafida, un frère, Mathalan, sa femme elle est malade. Il ne peut pas faire Hirasa. Il ne peut pas aller aider les frères. Sa femme elle est malade. Il n'y a que lui. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a que lui. Fiyad Al-Hal, c'est Afdal qui s'occupe de sa femme. Et les frères, ils se passent de lui, ils trouvent un autre. Si tu fais le djihad et tu dhayya' man ta'oul, cette personne qui est sous ta responsabilité, tu fais le djihad, tu reviens, elle est morte. Ou la maladie, elle s'est aggravée. Hakada, si son enfant il est malade, Hakada, s'il a un ami qui est malade, il n'a que lui pour s'occuper, il s'occupe de ce malade. في هذا الحال فدو عبادات سوكيبي دا مالاد او فير الجهاد في هذا الحال تو توكيب دو مالاد سي لو ميم اكزامبل كو سو صحابي افيك سي بارون اوتر اكزامبل ابن القيم لو سيت رحمه الله في كتابه عده الصابر قال وها هنا امر ينبغي التفطن له وهو انه قد يكون العمل المعين افضل منه في حق غيره اون ريبيت تا دو بيرسون Un frère, dans ce hal, le djihad, c'est mieux pour lui. Un autre, la même période, pour lui, c'est mieux qu'il s'occupe de ses parents. Ça, c'est une règle. Là, abud tantabé. C'est pas chaque amal, c'est pour tout le monde. Il ne te voit pas dans un amal, il est étonné. Pourquoi tu n'étais pas là ? Ya akhi, rubbama, il a un amal afdal. Il a une mas'oulia que toi, tu n'as pas. Il y a des hal, lui, c'est mieux qu'il ne vient pas dans tel amal et il va dans un autre. تستفيد من هذا لا تستعجل في الإنكار فلان il est pas venu يا أخي ربما sa femme elle est malade ربما ses enfants ils sont malades ربما il avait une chose أهم si tu veux demander demande يا أخي pourquoi t'es pas venu t'explique انتهى قال ابن القيم يسيت المثال العالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح. Il donne l'exemple d'un savant. تعلمون أن العالم il est occupé جدا. ربما il doit conseiller, il doit enseigner. il doit montrer la chèque que ça va lui prendre de son temps. Rubama, il ne pourra pas lire le Coran comme un autre qui n'a pas toutes ses responsabilités. Fiad al-Hal, l'alim, c'est Afdal qui conseille les gens. Il montre, il enseigne, même si ça prend du temps sur Qirat al-Quran, Qiyam al-Layl wa Siyam. Matalan, s'il fait Siyam, il sait qu'il ne pourra pas préparer son cours. Ou il sait que le cours, ça va être difficile. Fiad al-Hal, Afdal idil al-Siyam. On parle nafila. Afdal, il s'occupe à da'wa. Et en fait, tu peux rassembler les deux. Khasatan fi ayyam shita, tu peux rassembler les deux. Mais si tu arrives à un moment, tu vas faire da'wa, ça te fatigue. Si tu fais siyam, tu vas faiblir. Et rubbama, ton wajib, il va venir, tu ne pourras pas le faire comme il faut. Fi hadha al-hal, s'il connaît ces choses, il délaisse. C'est un wajib. Bel, as-siyam al-wajib fi al-jihad, tu peux le délaisser, al-wajib. الصحابة رضي الله عنهم dans certaines غزوات إذا ليس الصيام إلا لو غاتخبي لأنه الجهاد في هذا الباب سأنفع أما الصيام tu peux لو غاتخبي imagine أنت الجهاد tout le monde في الصيام on faiblit tous on arrive en face de l'adou comment on fait هذا il a pas bu هذا il a pas mangé هذا il est fatigué هذا لا on n'aura pas la même قوة فأخذ الأسباب c'est مهم l'exemple d'Ibn al-Qayyim العالم العالم il se mélange avec les gens أحسن qu'un autre il s'isole Et il est le Coran, tasbih, siyam, qiyam. Al-alim, il est afdal. Et ça, c'est fondé sur qawl al-Nabi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadith, il est vite termidi. Cheikh al-Albani, il l'a sahah. Al-muslim, idha kana mukhalitan linnas, wa huwa yasbir, ala adhahum khayrun min al-muslim alladhi la yukhalitan nas, wa la yasbir ala adhahum. Ce muslim, il est afdal. Il se mélange. Bien sûr, il est à l'ilm. Et il est protégé par leurs shubuhat. S'ils ont des shubuhat, hada, il est afdal qu'un autre, il s'isole et il fait ses ibadat dans son coin. Al-alim qui se mélange et qui montre, il est afdal. Hada al-kalam min iddat al-sabri. Fa fi hadhi al-ayyam, nahnouna, on a cité ce kalam aujourd'hui, li anna fi hadhi al-ayyam, rubbama, tu vas être occupé, ou il y aura beaucoup d'a'mal. Talab al-ilm, à ne pas négliger, abadan. Al-muraja'a, à ne pas négliger abadan, et tu vois des autres a'mal à cause de haoula al-dhullal al-rawafid enfin la personne il s'organise fihala. Tu fais passer l'aoula fa l'aoula si tu peux rassembler les deux fais les deux wa nahnu wa lillahi alhamd fi hadha alham alhaqiqa tu peux rassembler les deux hadhi alkalima li nafi'a li muhimma jiddan celui qui la comprend il met chaque chose à sa place fa bi idnillah azza wa jal chaque chose il saura comment réagir qu'on a cité, on répète tout ce qu'on a cité, si tu ne peux pas le jam' بين هاتين العبادتين أما si tu peux le jam' tu fais خاصة العلم العقيدة يعني tout ce qu'on fait c'est fondé sur العقيدة tout ce qu'on fait نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج افاق.com